On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole sur Radio Dieu. On a la parole. Et on va la garder, la parole. Yes. Sur Radio Dieu, 89.5. Asile de nuit, featuring Anne et Floire. Liberté. Radio Dieu sur 89.5, c'est loin d'être idiot. Ça remplit plein les oreilles. Rock. Liberté d'expression. On tchatche, on tchatche, on tchatche. On parle, mais la musique est là, au centre. Et on écoute. On écoute. On a la parole. On écoute. On a la parole. Sur Radio Dio 89.5. C'est à Saint-Thé, ça. C'est à Saint-Thé. Exactement, à Saint-Thé, avec la nef et l'asile de nuit. Saint-Thé, mon petit Paris. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans On a la parole, l'émission du printemps 2024. Aujourd'hui, les rues stéphanoises s'adressent au monde à travers trois foyers d'hébergement et nous avons sept personnes en studio, des habitués et des nouvelles personnes comme à l'habitude de cette émission qui aujourd'hui va s'attacher à un thème central, les jugements et les préjugés. Il y aura bien sûr des sélections musicales, des lectures de textes, bref, tous les ingrédients de cette parole tant aimée sur le 89.5 de Radio Dio. Mais d'abord, bien entendu, petit rituel et tour de présentation avec les personnes qui sont dans le studio avec cet air si sérieux et concentré. On commence par toi, caché derrière l'enceinte. Bonjour, je m'appelle Manu et je fais partie de la nef. Bonjour, je m'appelle Sharifa et je fais partie de la pension de famille Solia. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et je fais partie de l'asile de nuit. Bonjour, Romain, asile de nuit aussi. Bonjour, je suis Elsa et je suis travailleur social à la pension de famille Jean Parot, Solia Loire. C'est de quel côté ça? Donc on est là puisque vous avez peu présenté, c'est où à Saint-Étienne? C'est à la Métard, au-dessus du HPL et c'était un ancien hébergement pour personnes âgées. On partage la structure avec Pierre Valdo et voilà, et nous sommes implantés là-haut à la Métard. Pas loin de Radio Dio donc. Bonjour, je m'appelle Lionel, je viens du foyer à Jean Parot. La Métard, rue des Langelus. Voilà. Bonjour Émilie, je suis assistante sociale à la nef. La nef qui est aussi une voisine d'ailleurs, mais de l'autre côté de la colline tout cette à fait. Fois. Bonjour, je suis Nasser, j'ai fait plusieurs émissions, je suis suivi par la nef. Bonjour à tous et toutes, donc, et bienvenue à nouveau, auditeurs et auditrices, dans On a la parole. Le thème du jour, donc, les jugements, les préjugés, on s'y confronte de plein de manières différentes. On va essayer de faire un petit tour de la question qui a été préparée par tout le monde ici dans deux réunions collectives de préparation. Et c'est à Anne-Sophie, nouvelle personne dans On a la parole. Peut-être déjà commencer par te présenter un petit peu avant d'ouvrir le témoignage que tu voulais amener, même si je pense que ça va aller bien ensemble finalement peut-être. Ouais. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 52 ans et j'ai atterri par le plus grand des hasards à l'asile de nuit suite à des accidents de la vie, comme on dit. Petit passage en psychiatrie, bon, pas très longtemps, et puis après, on m'annonce que l'hôpital ne peut plus se charger de moi, que je dois trouver une solution. Et la solution, on m'annonce l'asile de nuit. Et là, panique à bord. Bah ouais, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Avec qui je vais me retrouver? Bon, pas très très fière, j'ai pris mon sac et je suis partie à l'asile de nuit. Et là, j'arrive. Et en fait, pour moi, l'asile de nuit, c'était... J'en avais l'idée et j'en avais la vision de quand j'étais ado, où quand on passait devant, y avait plein de clochards bien avinés qui accostaient les gens en disant « t'as pas une petite pièce ?» Pas forcément très agréable. Et on se dit « qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans » Et puis j'arrive. je rencontre les éduques. Johanna, qui n'est pas là, mais c'est ma référente. Une personne qui vous accueille à bras ouverts, qui vous dit « C'est bon, tu peux te poser, t'as 2 minutes, maintenant tu souffles, t'as un endroit, t'es tranquille et on va s'occuper de toi. » Bon, ok. Et puis après, on rencontre les résidents. Et là, les résidents, on rencontre plein de personnes qui viennent d'univers complètement différents, qui sont eux aussi là depuis plus ou moins longtemps, qui vont rester plus ou moins longtemps. Et puis, on s'aperçoit que on a tous eu un problème à un moment ou à un autre et que en fait, maintenant, on est là, on est ensemble et on va s'en sortir. Puis on fait de rencontres, des gens avec qui on sait que ça ne va pas aller très très loin. Puis il y a d'autres personnes avec qui on pense qu'on pourra construire quelque chose, un bout de chemin, plus ou moins long, on verra. Donc voilà, donc je voulais les remercier et leur dire merci de m'avoir fait changer ma vision de l'asile de nuit. Qu'est-ce qui s'est joué, tu penses, justement pour toi, dans le fait de te dire quand on est dedans, on se rend compte que ça peut arriver à tout le monde. J'ai l'impression d'entendre c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai grandi dans un milieu quand même assez protégé. J'ai jamais pensé à aucun moment dans ma vie que je pourrais atterrir à l'asile de nuit. Pour moi, l'asile de nuit, c'était vraiment le dernier truc avant la rue, quoi. Quand on m'a annoncé ça, quand je dis que j'ai pété un câble, vraiment, j'ai envoyé chier l'assistante sociale et le médecin en leur disant, mais si vous m'envoyez là-bas, je vais me foutre en l'air, vraiment. Et ils étaient vraiment embêtés, mais ils savaient que c'était la seule solution. Et quand je suis arrivée, vraiment, tu découvres un endroit où on te dit, non, mais là, tu vas poser tes valises. C'est bon, tu peux te poser. T'es en sécurité, on va t'aider, on va faire en sorte que t'ailles mieux, que tu retrouves une vie à peu près normale, quoi. Et là, pour moi, c'était, je sais pas, quelque chose qui... Ouais, je voulais pas demander d'aide et en fait, j'aurais dû le faire avant, quoi. Voilà. Et t'as retrouvé dans les gens qui dorment là-bas des trajectoires qui te rappelaient aussi ce qui t'arrivait? Ouais. Ouais. Ouais. On a tous. On a tous des trajectoires différentes, mais en même temps, on a tous des trajectoires qui font qu'on atterrit là-bas, quoi. Et c'est des accidents de la vie, c'est des enchaînements, c'est des galères, c'est plein de choses. Et je peux pas. C'est comme pour plein de choses, faut pas dire ça arrive qu'aux autres, quoi. Vraiment. Moi, je disais non, mais moi, ça m'arrivera jamais, hein, vraiment. J'irai jamais là-bas dedans, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Puis tu te rends compte que si un jour t'as besoin d'y aller et du coup ta vision des choses change complètement, quoi. Peut-être que vous avez des réactions à ce que vient de témoigner Anne-Sophie dans la manière de vivre, la manière d'arriver, de travailler. Je pense que, je suis d'accord avec Anne-Sophie, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On vit le jour le jour. Je pense qu'on vit le jour. On est dans des situations... c'est pas qu'on l'a pas voulu, mais on vit le jour, on a des structures pour nous aider, et puis voilà. Je suis d'accord avec Anne-Sophie. Toi, ça t'a fait quelque chose d'assez similaire quand oui. tu as pu arriver à la pension de famille? Oui, oui. Ouais. Moi, je suis déjà allé à l'asile de nuit quand j'étais jeune. Je ne connaissais pas du tout, c'est une assistante sociale qui a appelé pour moi, elle m'a trouvé une place, et je n'avais pas de préjugé ou quoi que ce soit. Comme toi Anne-Sophie, tu avais un préjugé, toi tu pensais que l'asile de nuit c'était pour des alcooliques et des clochards, mais tu as bien vu que c'était autre chose quand même. Ah oui, mais moi c'est une vision que j'avais de quand j'étais adolescente, où on passait devant le bâtiment. Et quand on passait à une certaine heure, on voyait effectivement plein de clochards qui attendaient que ça soit ouvert, avec la bouteille de villageoise, les chiens d'à côté, c'était le bazar et ils essayaient de te taper des pièces, tout ça. Et c'était, c'était vraiment, c'était pas un endroit où, déjà en tant que femme, tu te sentais rassurée. C'est parce que c'est le truc. C'est l'impression, voilà, tout à fait. Mais je pense que j'aurais jamais changé d'avis et d'idée sur l'asile de nuit si j'y étais pas venue par moi-même. Voilà. Enfin, si j'avais pas dû y vivre, voilà. Je serais restée sur cette idée de l'asile de nuit, bah ouais, c'est pour les cloches. Et je regrette vraiment d'avoir pu penser un jour ça, quoi. Et en même temps, c'est vrai que j'imagine que aussi arriver en tant que femme, c'est pas toujours la même chose. Alors, les foyers et structures sont aussi pensés pour pouvoir accueillir, mais c'est vrai que cette peur qu'il peut y avoir un petit peu dans la mixité, des parcours de vie pas faciles, des moments un petit peu chaotiques aussi, ça se vit dans le quotidien professionnel, j'imagine. Oui, du coup, moi je voulais rebondir aussi sur ce que Anne-Sophie disait, de ma place de travailleur social, puisque l'asile de nuit, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai côtoyé cet univers. Et puis, je suis assistante sociale depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, je crois que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses et sur le fonctionnement de la structure et comment les personnes sont accompagnées et le public qu'il peut y avoir. Et je crois que quand on passe la porte de cette structure, on se rend compte d'une autre réalité. Il y a aussi quand même quelque chose qui existe, c'est quand même, il y a aussi des gens qui sont très très fragilisés, donc il y a quand même aussi des moments qui sont difficiles et qui sont douloureux, avec aussi forcément des moments de tension, de violence, et que effectivement la place des femmes dans ce genre de structure, déjà elle n'est pas si ancienne que ça, qu'il y a vraiment un espace qui est dédié à l'accueil des personnes. Alors, j'y travaille pas, mais en tout cas, je connais la structure suffisamment bien pour savoir qu'il y a quand même eu tout un travail qui avait été fait sur la place des femmes dans ce genre de structure, parce que ce qui reste encore une minorité, enfin, je sais pas, mais je pense que proportionnellement, peut-être que ça a beaucoup changé, en fait, ouais. Tu vois, mais ça aussi, on a encore des représentations sur... Ouais, je sais pas, là, en ce moment, doit être une dizaine de femmes, à peu près. Tous les profils et tous les âges, quoi. Il y a une jeune fille qui vient d'arriver, il y a des femmes beaucoup plus âgées. Après, la majorité, c'est des hommes, mais c'est vrai que les femmes sont quand même bien représentées, quoi. Et puis l'idée aussi, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'asile de nuit, c'est fait pour mettre à l'abri des gens qui n'ont pas de logement et qui se retrouveraient à la rue s'il n'y avait pas cet espace-là. Et que ça, pour le coup, ça concerne plein de situations et plein de parcours et plein d'histoires différentes, comme tu disais, et qu'il n'y a pas une caractéristique spécifique des personnes qui sont prises en charge et qui sont accueillies. Et qu'il y a une diversité de problématiques et de parcours. Souvent, effectivement, on doit... Ça traîne encore cette mauvaise réputation, je dirais. Cette réputation dont tu parlais de personnes qui sont marginalisées, clochardisées, alors que la réalité, elle est tout autre. Et en réalité, il n'y en a quasiment pas qui sont... Il y en a très peu qui sont vraiment au stade de clochardisation, comme tu dis, quoi. Il y a pas mal aussi d'étrangers, demandeurs d'asile. Donc vraiment, il y a une population qui est mixte, qui est très multiculturelle, on va dire. Et c'est ça que je pense qui fait aussi la richesse de ce qu'on peut, des moments qu'on peut passer, qu'on traverse en ce moment. Mais c'est super enrichissant et on se vraiment. Mais autant il y a des fois, c'est vrai que c'est pas super drôle. Et puis il y a des fois, on se prend des barres de rire pour des bêtises parce que. Voilà, on part dans des délires et ça, vraiment, il y a quand même une bonne ambiance et vraiment, il y a des liens qui se tissent et qui sont vraiment très, très forts, quoi. Moi, je me demandais, quand on est éduc ou assistante sociale, j'imagine que les premières années d'expérience, c'est aussi la déconstruction de préjugés, forcément, enfin, que ce soit les premiers stages ou le début du travail. On peut pas se dire que... Enfin, moi, le premier, hein, je sais pas pour jeter la pierre, mais qu'on n'a pas des petits trucs qui restent un petit peu et auxquels on va se confronter forcément. Alors, effectivement, on va essayer de vous... vous présenter un peu les jugements que nous, on peut avoir quand on débute la profession de travailleur social ou d'éduc ou d'assistante sociale. On vient, en sortant de formation, avec une volonté de vouloir sauver le monde, de vouloir mettre tout le monde à l'abri, que tout le monde puisse manger à sa faim, que tout le monde puisse être bien logé. Et en fait, c'est pas du tout ça le métier de travailleur social, hein. Après 20 ans d'activité professionnelle, on voit que, eh bien, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Forcément, on travaille dans des structures ou des assos qui militent pour aider au mieux les personnes qui traversent des difficultés et de les aider dans le domaine de l'hébergement ou du logement. Mais à aucun moment, on ne va sauver le monde. On fait aussi en fonction de la motivation et du degré d'adhésion des personnes. On ne va pas forcer les résidents à adhérer à une démarche d'insertion. On fait là où ils en sont, avec leur capacité, avec leur volonté. Et alors parfois ça peut être un peu frustrant, mais avec l'expérience et les années de sur le terrain, on s'adapte et on fait vraiment en fonction de l'avancée des personnes. C'est le cœur du métier. Oui, c'est ce que tu disais. Du coup, on apprend aussi. Nous, à rencontrer les gens et à déconstruire aussi nos représentations de ce qu'on a, de ce qu'est, de ce que peut être la précarité. Parce que là, en plus, nous, on travaille toutes les deux dans le domaine de l'exclusion. Donc, moi, j'ai travaillé que dans le domaine de l'exclusion, jamais dans le champ du handicap, par exemple. Mais en tout cas, du coup, ça a nécessité de déconstruire, moi, toutes mes représentations sur la question, sur plein de questions différentes, sur la précarité, sur les addictions aussi, hein, dont on se parlait la dernière fois, sur aussi la souffrance psychique, dont on parlera tout à l'heure avec Manu, du coup, qui nous témoignera plus de son expérience. Mais c'est sûr que dans nos professions, c'est inévitable qu'on se doit de déconstruire nos représentations, sinon je pense qu'on ne fait pas correctement notre job et que... on ne met pas les personnes qu'on a en face dans de bonnes dispositions, parce que je crois que, et d'un côté et de l'autre, on a forcément au départ un minimum de représentation ou de préjugés, ça dépend comment on le nomme, mais je crois que c'est inévitable au départ et qu'au fil du temps, je crois que les barrières, elles tombent et on se rencontre. Bah, effectivement, moi je suis du même avis que Anne-Sophie. Je connais un peu la misère parce que j'y étais pas mal de fois. J'ai eu des va-et-vient. J'étais asile de nuit, un coup dehors, au froid. J'avais des hébergements, mais je les ai perdus parce que j'arrêtais pas de picoler et tout le jour. Mais là, j'ai trouvé un siège à ce lieu. Je me sens retrouvé un bon réconfort. Moi aussi, j'ai connu l'asile de nuit il y a 20 ans de ça. Moi, quand j'ai connu l'asile de nuit, c'était... comme je suis alcoolique, j'ai été entraîné par les autres. Et au début, c'est vrai qu'il n'y avait pas tous ces éducateurs et tout autour. Et puis c'était ouvert aussi, c'était carrément ouvert. Donc les assistantes sociales et tout, ils m'ont jamais orienté. Non, je venais pour dormir, je me retrouvais à la rue la journée, à galérer. Et ça a continué comme ça. Mais quand j'ai connu l'asile de nuit, c'était pas top quand j'ai connu. Mais c'est après, là, ça a changé. J'ai vu que maintenant c'est plus convivial et tout, donc. Mais on est tous passés par l'asile de nuit, on va dire. Et oui, mais après, je pense que ça va aussi avec ce truc que la pauvreté a changé. Juste, ça se voit à Saint-Étienne, je sais pas, même dans les 10 dernières années où maintenant il y a une personne devant chaque magasin qui fait la manche. C'était pas le cas, moi, quand j'ai débarqué il y a une quinzaine d'années à Saint-Étienne, c'était pas ça. Il y avait 2-3 personnes comme ça, là. Et que du coup, effectivement, je pense que les structures et les gens ont changé dans tout ce que vous vivez dans vos quotidiens, j'imagine. Je vous propose peut-être, allez, première pause musicale qui a été sélectionnée par Anne-Sophie, justement, pour continuer son thème. Avant de continuer cette thématique, tu nous as choisi du hang drum. Tu peux en parler un petit peu aux auditeurs ? Alors, c'est un instrument qui est... C'est le dernier instrument au monde qui a été créé au niveau acoustique. Il date des années 2000. Ça a été créé par un Suisse. Et donc là, le groupe, c'est Hang Massive et il joue sur deux Hang. Voilà. Alors du coup, c'est une boîte en fer, c'est ouais, ça c'est... Un peu... Ouais, c'est... Alors, ouais. L'instrument, ça ressemble à une soucoupe volante avec des notes prédéfinies à l'avance, un évent dessous qu'on appelle le gu et qui est fait caisse de résonance. Voilà. Et c'est des musiques qui sont apaisantes, planantes, qui vous font sentir bien en général. Allez, on écoute ça tout de suite. Hang Massive sur le 895 de Dio. Thank you. Gang Massive à l'instant, sélection de Anne-Sophie sur le 89.5 de Radio Dio. Mes amis, que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a aucune importance avec Radio Dio. Et on enchaîne cette thématique de l'émission On a la parole, jugement et préjugés, avec un nouveau témoignage. Et c'est Manu qui a choisi d'apporter un angle sur cette question. De quoi tu voulais nous parler, Manu ? De la, comment dire, de, des soins faits aux personnes handicapées, de parler des psys, de tout ce qui concerne le CS2R. CS2R, c'est CMP de la Charité, et c'est un centre de soins de réadaptation et de rétablissement. Ok. Donc c'est composé de médecins, de cadres de santé, équipes infirmières, neuropsychologues. Et la mission du CS2R, c'est de construire un projet de soins adaptés à vos besoins et à vos difficultés afin de diminuer l'impact des troubles psychiques et ainsi favoriser votre autonomie. Alors quand je suis arrivé là-bas, je suis arrivé en 2021, j'ai commencé réellement, parce qu'avant je cherchais un psychiatre, j'avais des préjugés sur les psys, j'avais pas confiance, pour moi c'était nous cataloguer de fous directement. Quand je suis arrivé au CS2R, j'ai vu, il y en a qui étaient avec moi, et qui étaient comme moi, schizophrènes. Et quand ils ont vu les gens qu'il y a là-bas, c'est tout mélangé, il y a toutes les catégories d'handicap. Et c'est vrai que quand on arrive à l'hôpital et qu'on voit les handicapés, on juge tout de suite, on dit ouais, mais on n'est pas handicapé physique, on n'est pas. Mais handicapé psychique et physique, c'est la même chose en réalité. C'est le même problème, on n'arrive pas à s'insérer avec la société, on n'arrive pas à communiquer comme il faut avec les gens. Et puis on est, la plupart du temps, il y en a beaucoup, ils pensent direct médicaments, c'est chimique, comme on dit à La Réunion, c'est chimique et ça endort, ça rend sédentaire, c'est pas le top quoi. Après, grâce au CS2R, j'ai appris à faire attention à penser positivement, on va dire, positivement par rapport à tous les problèmes négatifs qu'il y a. Les problèmes principaux, c'est plutôt le manque de motivation, l'isolement social, les erreurs d'interprétation, sentiment de persécution ou idées délirantes, anxiété, troubles cognitifs, difficultés de mémoire, difficultés d'attention, etc. Et des difficultés à entrer en contact avec d'autres personnes, à s'affirmer. Il y a plusieurs groupes, donc il y a des groupes sortis, groupe PEPS. PEPS, c'est Programme d'émotions positives pour la schizophrénie. Il y a plein de trucs médicaux quoi. Enfin, on a des psys, on a les infirmiers qui nous expliquent pourquoi on voit qu'on est malade, pourquoi on est suivi par un psychiatre quoi. Mais moi je parlais pas au psychiatre, j'avais pas confiance au psy et ça fait que ça m'a mis j'ai mis 20 ans avant de faire confiance à un psy. Voilà. Et du coup, par rapport à un petit peu dans l'axe que disait Anne-Sophie tout à l'heure, t'as eu l'impression d'avoir des préjugés sur l'endroit où t'es arrivé, de pas être à ta place au début ou... Oui, ouais. J'étais pas à ma place parce que quand je regardais, on voit des handicapés, des gens qui sont assommés par les médicaments ou qui vous regardent... Comme si nous, on n'est pas malade, quoi. On est malade psychique et quand on arrive et que les gens nous voient, on est debout en face d'eux et on parle normalement et ils ne comprennent pas ce qu'on fait là, quoi. Ils se disent, oui, mais il a rien... C'est pareil comme dans le tram, quoi. On apprend à sortir dans le tram aussi, on fait des sorties. Et dans le tram, par exemple, quand on s'assied parmi les gens, tout de suite, on juge à la première impression qu'on a, quoi. Et ça, justement, nous apprend à réfléchir avant de juger. De réfléchir à plusieurs... je sais pas comment expliquer, mais bon. Ouais, bah. Peut-être il vous amène à travailler sur l'idée que il faut peut-être éviter de réagir à chaud quand une info qui vient à soi. Prendre le temps de ne pas réagir tout de suite à chaud. Oui, il y a un groupe. Déjà, comme groupe, il y en a. Il y a le groupe d'affirmation de soi, le groupe de forme et santé, groupe habileté sociale. Après, il y a encore d'autres groupes, groupe sortie, on fait des sorties, on nous apprend à organiser des sorties, on va à tel endroit, ou on va visiter des... comme le musée de la mine, des musées, tout ce qu'il y a à faire sur Saint-Thé, quoi, et qu'on n'ose pas faire parce que on a peur des regards des gens, quand on est dans le tram, on est anxieux. Après, ça dépend aussi de la manière dont on voit les gens, quoi. C'est, on n'a pas tous la même vision de ce qui nous entoure. Quoi. Des autres, ouais. Ouais, des autres. Parce que quand on parle de santé mentale, et là tu parles aussi de diagnostic psy, c'est vrai qu'il y a ce truc peut-être de préjugé de... Des fois, pas vouloir se dire qu'on est malade, ça arrive à pas mal de gens. Mais souvent, on nous le renvoie aussi de l'extérieur. Peut-être toi, tu as des exemples ou des manières, tu vois, justement, de sentir des préjugés par rapport à toi. Mais moi, je pense pas trop aux préjugés en ce moment. C'est plutôt... j'ai appris à... On apprend à faire face à ces préjugés, justement. Pour essayer de faire voir... On apprend à penser autrement. Et comment, du coup ? En faisant des exercices dans certains groupes qui permet de... Comment dire ? Qui permet... comme le groupe Forme et Santé, on apprend à respirer, à mieux se concentrer sur soi-même pour essayer de penser positif. Moi, j'ai appris la méditation au début. Je croyais que c'était des conneries. Pour les gens qui écoutent du hang drum, par exemple. Ouais. Donc, j'y croyais pas trop. J'ai fait de la méditation, ça marchait pas. Et au début, ils trouvaient pas ce que j'avais. Ils trouvaient pas du tout. Et puis, après j'ai fait le réaccord aussi. Réaccord à Bellevue pour voir le niveau psychiatrique où j'en suis. Et après, moi, de mon côté, c'est plutôt la manière dont on a été élevé, quoi, qui nous a rendus comme ça. Et par rapport à ma mère, qui était, on va dire, maintenant, je peux dire qu'elle était schizophrène, mais avant, on ne pouvait pas savoir. Quoi. En plus, parce que les mots n'existaient pas. Les mots n'existaient pas ou... Puis on n'osait pas le dire. Ouais, voilà. Non, ce n'est pas qu'une question qu'on n'ose pas le dire, c'est qu'on ne savait pas encore réellement c'est quoi la maladie. Même là, ils ne le savent pas encore. Ils font des expériences pour savoir sur les médicaments. Ils prennent des jeunes de 16 à 50 ans pour faire des études sur la schizophrénie en général. Quoi. Parce que le mot schizophrène, c'est plusieurs trucs. Hein. Ouais. C'est pas un seul... C'est pas tout le monde qui a la même chose qui arrive. Ouais. Voilà, il y a plusieurs trucs dans la schizophrénie. Il y en a... C'est familial, il y en a, c'est psychologique par rapport le stress, il y a de l'anxiété et tout, ils se font des idées aussi. Et en même temps, tu me disais tout à l'heure hors antenne que toi, avec ton origine géographique, il y avait aussi un rapport à la question psychiatrique qui était très différente à la Réunion. Là-bas, ouais. C'est tabou là-bas. C'est... Enfin, moi au début, c'est tabou avant de partir, avant l'an 2000. Que ce soit assistante sociale, médecin et social, là-bas, c'était. Les parents nous apprenaient depuis tout petit à ne pas parler, à ne pas faire confiance. Et on n'aimait pas les assistantes sociales là-bas. Nous, pour nous, c'est. Tu parles d'une assistante sociale, t'as plus de vie, quoi. On te prend les enfants, on te prend tout. Et... On te juge directement. Maintenant, je sais pas maintenant comment ça se passe, mais avant, c'est comme ça. Hein. C'était un sujet tabou. Ouais. Et ma mère me disait, ouais, ne fais jamais confiance à une assistante sociale parce que sinon on sera séparés. Mm. Et moi j'ai connu ça aussi parce qu'on m'a pris ma fille, elle avait un mois quand on l'a pris, ma femme elle est arrivée, elle a amené 4 assistantes sociales à la maison. Et voilà, c'est parti. Bon après j'étais alcoolique donc je pouvais pas m'occuper réellement de ma petite, mais je sais pas, au lieu de l'arracher directement comme ça, ils auraient pu savoir comment nous laisser trouver une solution, moi, en restant en contact. Moi, je la voyais une fois, on m'a mis une fois par mois, une heure. Et j'ai jamais raté un rendez-vous. C'est pour ça. Mais là, ma fille, ben, maintenant, elle a 20 ans. Elle aussi, elle a des problèmes psychiques, on va dire, par rapport à ça, quoi. Alors, après, c'est le parcours d'une vie qui rend malade aussi psychologiquement. Et comme je disais, par exemple, pour les handicapés, c'est par exemple si je m'assois dans le tram pour les handicapés, eh ben, j'ai pas les gens, ils sont prêts à m'agresser pour me dire si je monte pas ma carte d'handicapé, ils me croient pas quoi, ils me croient pas, ils disent ouais mais lui il peut rester debout, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai vu des bagarres aussi comme ça dans le tram, les gens qui s'en prenaient à des handicapés. Et eux, ils disaient rien parce qu'ils avaient peur, ils savaient pas comment expliquer qu'ils étaient malades. Et dans les foyers où vous êtes, j'imagine que c'est une question qui est récurrente, des gens qui ont des problèmes psy et qui sont un peu dans la galère, souvent ça va un petit peu de pair, malheureusement, dans notre monde. Oui, c'est sûr que la réalité de la maladie psychique, de la souffrance psychique, elle est omniprésente dans nos boulots, parce qu'elle se décline de plein de façons différentes et qu'on rencontre les personnes à plein de moments différents aussi. La question de la souffrance psychique, elle est quand même dans notre société, elle est quand même assez mal... assez mal vu, assez mal informé, je pense. Et du coup, voilà. Du coup, elle fait peur. C'est ça, bien sûr. Et quand il y a des... Parce que tu disais, toi, Manu, tu parles de schizophrénie. On entend ce mot de manière très récurrente, sans savoir ce que c'est réellement. Parfois, les gens se l'approprient comme quelque chose sans savoir ce que c'est véritablement. Mais le premier réflexe, il est défensif et il est d'avoir peur. Comme on disait tout à l'heure, voilà, la question de la dépression, on se dit c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui veut pas se mettre un coup de pied aux fesses. Enfin, je veux dire, on a aussi... parfois, la société, elle porte un regard sur les gens qui souffrent et qui sont reconnus comme étant souffrants, comme personnes nécessitant... d'une reconnaissance de leur pathologie parce qu'ils sont dans l'incapacité réelle de pouvoir avoir une insertion professionnelle. On est encore quand même dans les clichés de notre société à porter un jugement toujours quand même négatif, alors que ça reste une souffrance, une maladie qu'on n'agresserait pas, et qu'on n'agresserait pas quelqu'un qui a un cancer. Par contre, quelqu'un qui vient dire je suis bipolaire ou je suis dépressif, bah là par contre du coup c'est quand même pas le même traitement qui est fait de manière générale dans notre société aussi. Et que je pense que ça c'est générateur de beaucoup d'exclusion. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La dépression, t'as qu'à te secouer un peu, va prendre l'air, va marcher un peu, remue-toi et puis tu verras, ça ira beaucoup mieux. Bah ouais, mais sauf que des fois, justement, juste le fait de sortir prendre l'air, bah on n'a pas envie. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on n'en est pas capable. Qu'on est tout juste capable d'arriver à se lever le matin et de se faire à manger. Et voilà, c'est tout. Il y a des fois, on peut pas, on n'a pas l'énergie et on est vraiment... quand tu dis, ouais, mais je suis en dépression. Ah ouais, non, mais c'est bon, avec ton truc là... tu nous saoules, remue-toi, et puis tu verras, ça ira mieux. Bah ouais, mais sauf que t'as beau essayer, tu fais, et puis tu coules encore plus, parce que tu te rends même pas compte que t'as besoin d'aide, quoi. Et des fois, dans la dépression, arriver à demander de l'aide et à se dire, ouais, bah en fait, je suis malade, j'ai vraiment besoin de voir quelqu'un, Bah, c'est super compliqué parce que bah, justement, c'est la vision des gens autour qui te disent non, mais c'est bon. Comme tu dis, ouais, t'as pas un cancer, arrête de nous saouler, quoi. Donc, non, il faut vraiment que les gens arrivent à comprendre que la dépression, c'est une vraie maladie. Et que bah, y a des gens qui en meurent parce qu'ils se foutent en l'air. Parce que la dépression, bah, c'est pas juste. Oh, je vais pas bien. C'est vraiment un mal-être beaucoup plus profond qui est ancré souvent depuis des années et dont t'arrives pas à te défaire, même en mettant toute la bonne volonté et que bah, malgré les traitements, malgré tout, des fois il y a des gens qui arrivent vraiment pas à s'en sortir et qui arrêtent de lutter quoi. Et ça, bah, c'est vraiment un truc. Les gens, il faut que la population générale doit arriver à comprendre que la dépression, vraiment, c'est pas juste c'est un pas petit une déprime, truc. Quoi. C'est pas la déprime passagère, souvent, je pense saisonnière. C'est ça qui fait comme confusion. C'est ça. Parce que la déprime saisonnière, bon, on la connaît tous. Quand il fait pas beau, t'as pas envie de bouger, t'as pas envie de sortir. Tu prends un peu de vitamine C. Voilà. Et puis, dès que le soleil revient, ça va mieux. C'est pas ça. Vraiment, quand t'es la dépression, c'est toute l'année, t'as pas envie, quoi. Donc, et c'est pareil pour bah, toutes les maladies psychiatriques, parce que c'est pas des maladies qui se voient. C'est justement ça le problème, c'est que les gens ont une vision de, comme disait Manu, du handicap. Ouais, le handicap physique, il se voit. Donc c'est bien, c'est bien, entre guillemets. Tu sais que la personne en face de toi, elle est handicapée. Mais quelqu'un qui est schizophrène ou qui est bipolaire, qui... maladie psychiatrique, tu le vois pas, et donc, ben non, c'est compliqué de faire reconnaître ce handicap-là, quoi. Mais parce que aussi, comme disait Manu, la première personne qui le sait pas, c'est toi-même au début. Ah ben, bah, c'est sûr, oui. Tu mets du temps aussi à t'en rendre compte, à comprendre. Ah ben, bah, bien sûr. Parce qu'on est mal renseigné, c'est pour ça que le CS2R existe. C'est pour travailler sur les... C'est pour nous montrer comment gérer ça, quoi, et... voir, il y a plusieurs, parce que la schizophrénie, c'est large comme problème. Il y en a que c'est par rapport à la famille, c'est comme elle disait Anne-Sophie, c'est l'anxiété et tout. Donc il y en a qui sont anxieux, il y en a c'est... il y en a c'est... comment dire ? Il y en a qui sont renfermés. Ouais, voilà. Qui n'osent pas parler de leur pathologie. Voilà, il y en a c'est ça, et après il y a différents, il y a... Oui, y a... voilà. Mais bon, c'est tout un problème, quoi, pour l'instant. Mais dans ce centre de soins de réadaptation, eh ben, ils nous apprennent à... Ils nous communiquent mieux sur la maladie. Ils nous donnent des techniques pour changer nos habitudes. Mieux la comprendre, mieux comprendre. Et ouais. Mieux comprendre la maladie et puis voir les avis des autres, quoi. Parce que chacun pense pas pareil. Donc, on a des groupes, donc on peut parler. Les gens veulent parler en groupe parce qu'ils disent se parler à soi-même de ses problèmes, ça sert à rien. Et j'ai pas besoin de le dire à tout le monde. Et finalement, c'est en parlant avec les gens qui pensent. On voit qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Et en fin de compte, les questions qu'on se pose, ben, des fois, ça peut être quelqu'un qu'on juge plus bas que nous et en fin de compte, qui sait plus que nous. Et ça nous oriente vers des choses positives, quoi. Mais je pense que ce dispositif, là, le CS2R, moi, j'en avais jamais entendu parler. Moi aussi. C'est Manu qui m'a fait découvrir le truc. Et ce serait bien que ce soit un peu plus connu pour que peut-être plus de gens puissent arriver à accéder à ces soins et qu'il y ait plus préjugés. Ben non, mais c'est... Ouais, de toute façon, ils sont fous et on les envoie à l'asile, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'en psychiatrie, le gros du problème, c'est d'avoir les informations, en fait, justement. Ah, mais c'est ça. C'est qu'il y a vraiment savoir à qui s'adresser. Tu prends une porte, deux portes, trois portes, c'est fatigant, c'est dur. Et réussir à trouver une personne et arriver jusqu'au bon endroit avec la bonne personne, c'est un gros parcours, quand même. Ah, mais carrément. De toute façon, pour trouver un psychiatre, c'est super compliqué. Et puis, faire confiance au psychiatre, comme tu dis... arriver à avoir suffisamment confiance en la personne pour se confier et lui dire « Ouais, non, mais en fait, voilà, j'ai ça, je me sens pas bien », c'est très, très compliqué. Et souvent, ben, on n'ose pas, et ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations complètement catastrophiques. Mais la carte vitale, quand tu vas chez le psy ou chez le médecin, il y a le dossier médical partagé. tout cas, le CS2R, tu peux te renseigner grâce à un psychiatre ou bien un docteur traitant. Ouais, docteur traitant. Non, médecin traitant. Ouais. Médecin, ouais, médecin. Et du coup, le dossier médical partagé, tu voulais en dire quoi, Chérifa ? À voulant dire, vous savez, moi j'ai une carte vitale, c'est marqué DMP, dossier médical partagé. Où je vais, chez le psy ou chez le médecin ou à l'hôpital, j'ai pas besoin de faire un CV. Ils savent toutes mes pathologies. Voilà. Et ça, tu trouves ça plus pratique, toi ? Oui, oui. Ouais. Ça m'évite de répéter à chaque fois ce que j'ai. Bah ouais, c'est quand même beaucoup mieux que ce soit partagé et du coup que chaque praticien que tu vas avoir va avoir l'ensemble de ton curriculum vitae médical, voilà. Quoi, en gros. Alors que sinon, il faut tout répéter. Et des fois, le fait de répéter le truc, tu te dis, c'est bon, j'ai plus envie d'en parler, quoi. Vous avez qu'à suivre un peu et effectivement, je pense que le dossier médical partagé, c'est pas mal, quoi. Tu crois pas que ça peut avoir aussi le problème inverse ? Moi, j'ai une amie qui m'a dit, elle a eu un truc physique, elle avait super peur, elle avait très très mal, elle a appelé. Et quand elle a dit qu'elle avait un diagnostic psy, d'un coup, les gens en face étaient beaucoup moins à l'écoute en se disant « Ah oui, mais vous êtes bipolaire ou vous êtes schizophrène, machin. » Et que c'est aussi des fois à double tranchant parce que... C'est à double tranchant, effectivement, mais c'est aussi au médecin généraliste qui va te recevoir d'arriver à faire la part des choses. Et à ne pas se concentrer, ce qui est très difficile, de ne pas se concentrer exclusivement sur le côté psy, parce que souvent, ouais, il va se dire, ouais, elle est psy, donc elle en rajoute. Alors que souvent, les gens qui sont en pathologie psy sont beaucoup plus attentifs au reste de leur santé aussi, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas bien. Donc ils vont regarder aussi et ils vont essayer de pas en plus... aggraver la pathologie psy en ayant d'autres pathologies plus généralistes. Ouais, c'est les docteurs. Moi, j'ai un docteur traitant que j'essaye de changer parce que déjà, quand j'arrive chez lui, il me dit « Oui, vous êtes bipolaire et schizophrène. » Et direct, il me catalogue comme ça et il prend même pas ma tension, il prend rien, il fait rien. Il me dit juste pourquoi je suis venu et il me renvoie, il me dit « Va voir son psychiatre. » Et il donne du Doliprane ? Il me donne même pas de médicaments, rien. Ça aussi, on a trouvé bizarre avec le CS2R. C'est ça, c'est pas normal, quoi. Ouais. Les infirmiers, c'est pour ça, là. Pourtant, il fait passer de docteur libre. Doctolib. Ouais. J'ai connu là-bas, ils m'ont adressé comme docteur traitant et j'ai dû le voir, quoi, en 4 ans. J'ai dû le voir 2 ou 3 fois, pas plus. Une fois par an, quoi. Là, peut-être c'est un peu une charnière, justement, puisque du coup, c'est entre préjugés et discrimination qui était un petit peu notre finale de discussion pour la troisième partie. Mais avant ça, on va peut-être faire une illustration musicale, puisque c'est toi qui as choisi, et t'as choisi un morceau de Nekfeu. Ouais, d'ailleurs. Nekfeu, on verra bien. C'est pour dire qu'on s'en fout de tous les on-dit, quoi. C'est vrai. Sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien, ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. J'suis prêt à te casser les couilles si t'as bu, j'te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Ça vit pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou et moins on voit clair. quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit, hein. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit, hein. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue, hein. Mon papa me croit pas mais s'absente le tabac froid, hein. On se fait chier au taf, on attend les camps va, hein. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit, hein. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros sommet ça grappe. Et que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. Qu'on est tous dans le même bateau, même ceux que l'on aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke j'ai le nez de krill. Hey screw, 1995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes. On se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma... Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre. On a la parole, on échange, on apprend et on partage. Oh mon maître, je voudrais être ton compagnon honnête plutôt que ta plus noble conquête. Apprends à me parler, je te comprendrai. Sans me tromper, que ta main soit ferme sur les rênes, alors où tu veux, je t'emmène. Aie confiance en moi autant qu'il faut, ma loyauté ne te fera pas défaut. N'aie crainte de me changer, j'ai de la force à dépenser. Si tu ne choisissais qu'un seul ami, je voudrais être celui-ci. Poème choisi par Chérifa. Oui. Comment il s'appelle ce texte ? La prière du cheval. Okay. Pourquoi est-ce que tu as choisi de lire ce texte dans cette émission aujourd'hui ? Alors, quand j'étais, vous savez, quand j'étais à Gabriel Péri, voilà, à Ralis de Gabriel Péri, j'avais un ami qui écrivait souvent. Et la dernière fois que je l'ai vu, bon, il m'a écrit ce poème, c'était un poème. Et deux jours après, il est décédé. Voilà pourquoi. Une grosse dédicace, du coup. Ok. Bah, merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. De rien, merci à vous. On disait donc, après cette belle poésie, qu'on avait décidé de finir un petit peu en ouvrant le débat sur ces préjugés, ces jugements, et puis les discriminations dont ils viennent et aussi qui provoquent tout le temps. Quand on préparait l'émission, là, on parlait alors déjà, on en a entendu sur le préjugé de la précarité, le préjugé du diagnostic psy, mais il y a aussi des discriminations qu'on vit par notre genre, notre couleur de peau, etc. Et il y avait un petit peu cette question-là de réussir à discuter entre nous de, finalement, qu'est-ce qui fait ces préjugés et d'où ils viennent ? C'est ça la question que vous aviez envie de partager. Est-ce que vous sentez commencer ? Ouais, Nasser, il est chaud. Déjà, préjugés, en fait, c'est juger avant. Ça veut dire juger avant. Et donc, c'est des jugements qu'on fait avant de connaître une personne ou avant de connaître une situation. Et ces préjugés, ils viennent en fait de très loin. Ils viennent par rapport au cerveau. C'est le cerveau qui fait des préjugés pour simplifier la vie en fait. Il fait des pour pas connaître une personne, il fait des préjugés et il les range dans des cases pour que ça soit plus simple pour lui, pour que ça soit plus simple. Et les préjugés maintenant sont devenus négatifs. À la base c'était pour simplifier, maintenant c'est devenu négatif. Les préjugés c'est plutôt péjoratif quoi. Il montre du doigt directement. Mais les préjugés, ouais, il y en a beaucoup à La Réunion. Mais c'est vaste. Hein. À La Réunion, il y en a beaucoup, hein, parce que les gens, ils te voient, ils te jugent. S'ils te voient sortir d'une boutique ou n'importe quoi, ils te regardent avec qui tu fréquentes. Là-bas, ça s'appelle l'île, on dit, l'a dit, l'a fait. C'est-à-dire celui qui a dit, celui qui a fait. Et là-bas, il y a des bagarres à coups de machette. Parce que l'un a dit, a jugé, par exemple, il y en a un qui dit, ouais, ce gars-là, il est pédé. Ben, tout le monde va dire, ouais, il est pédé, parce qu'il a des manières. Et après, c'est du harcèlement. Il y a du harcèlement autour d'eux, et puis ça arrive la bagarre, et voilà. Quoi. Mais tu crois pas que plus que juste La Réunion, c'est aussi... Parce que dans les villages, j'ai l'impression... C'est partout pareil. Ouais, c'est ça. Hein. C'est paysan aussi, là-bas, c'est pour ça. Mm. Enfin, au début, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de route en béton. Il y avait des routes en terre. C'était vraiment la forêt et tout. Mais maintenant, j'y suis retourné en 2008. J'ai vu comment que ça a évolué. Laissez tomber. Hein. Moi, je voulais évoquer l'argument que juger autrui, ça permet inconsciemment de se rassurer sur soi-même. Juger autrui, ça évite de se focaliser sur ses propres défaillances. Ça permet d'avoir ses idées un peu reçues et de se défendre. Juger aussi, ça fait partie de la construction identitaire de chacun. C'est une fonction essentielle dans le développement des personnes. Là où ça devient problématique, c'est quand le jugement, il sert à se prouver à soi-même qu'on est supérieur ou mieux que les autres. Et là, c'est néfaste, ça devient néfaste. Après, voilà, le jugement, il fait partie de la construction de chacun. Mais il faut éviter que ça devienne quelque chose qui vienne détruire ou rabaisser une autre catégorie. Ouais, tout à fait. C'est pour se rassurer, en fait. C'est pour se sentir un peu supérieur. Quand on fait des préjugés, c'est pour dire que cette personne, elle rentre dans cette catégorie, dans cette case. Et que moi, je ne fais pas partie de cette case, je suis dans une case supérieure. Donc les préjugés, la plupart du temps, c'est pour ça, c'est pour ça, comme tu dis, pour se rassurer, pour se sentir supérieur. Et c'est pas super sympa, et c'est pas connaître la personne, parce que une personne que tu peux mettre dans une case, elle peut être meilleure que toi, elle peut être plus sympathique, plus intelligente, ou même... elle peut avoir plusieurs qualités qui sont mieux que les tiennes. Et alors que ça, tu l'as rangé dans une catégorie plus basse. Moi, je trouve qu'on est tous à la même enseigne, que ce soit les préjugés. Moi, le regard des autres, je m'en fous. Mais t'arrives ils à m'accepte. C'est pas facile, toujours. Ah bah oui, mais ça, il faut savoir se défendre dans la vie. Moi, je m'en fous des préjugés des gens. Attendez, bon, quelqu'un qui m'agresse, façon de parler, hein. Ben, je rétorque. Ah non, voilà. Mon frère m'a appris à me défendre en faisant de la boxe, tout ça. Bon, c'est rare que je me bagarre, attention, hein. Faut pas dire ça. Il n'y a qu'une fois que je me suis battue au sport. Mais bon, c'était une erreur. Mais sinon, si quelqu'un me cherche, eh ben, il va me trouver. Voilà. Toi, Lionel ? Ben, moi, je suis comme... on vient en arrière, comme disait Manu... moi, je suis passé par là, je suis par un psychiatre, ça fait plus de 10 ans. Il est sympa, il m'oriente sur des cures, sur des... Comment on appelle ça des Des traitements ? Des soins ? Des soins. Des maisons de repos ? Ah ouais, non, il y a un truc mieux que... Que la maison de repos ? L'hôpital de jour ? Voilà, l'hôpital de jour. C'est l'hôpital de jour. Mais moi aussi, j'ai souffert comme Manu. Je suis suivi il y a longtemps par un psychiatre, je suis content. Au moins, je vois que les choses s'améliorent. Et voilà, j'aimerais bien comme, à faire plus comme Manu. Mais pourquoi tu vas pas, tu demandes pas à aller au CRG ? Si, mais j'ai demandé ça. T'as demandé, ils t'ont pas dit ? Non, faut que j'attende encore. Ouais, des fois ça peut être long, mais faut que tu vois les infirmiers. Là. Parce que, par contre, l'attente en psychiatrie, c'est pas un préjugé. Ouais, hein. Ah bah oui. Non, pas du tout. Et toi, cette histoire de jugement, préjugé, Lionel, il y a des trucs que t'as ressenti ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Bah moi, je dis préjugé, ça devrait pas se faire comme ça. C'est craintif, quoi. On est comme on est. Bon, on doit pas juger quelqu'un à sa corpulence, voilà. L'habit ne fait pas le moine. Il y a une personne qui n'a pas encore pris la parole, parce qu'elle ne s'est pas présentée. Qui se cache, qui boit beaucoup d'eau, qui va avoir une super voix radiophonique, hein, Romain. Ouais, il paraît. Hein. Ouais. Toi, tu veux me apporter un petit truc dans cette discussion ? Bah, je pense qu'ils ont tout dit, en fait. C'est facile, ça. Ah, je sais. On a résumé, en quelque sorte, ouais, tu veux dire. Ouais, exactement. Ouais. Pardon. Ouais, mais c'est vrai, j'ai rien à rajouter. J'ai bien aimé le discours de Nassar, celui de Lionel aussi, celui d'Elsa aussi. Toi, il y a des moments où tu sens des préjugés vis-à-vis de toi qui mais j'en parlerai après. J'en parlerai après par rapport à la musique qu'on va mettre. Bah, si tu veux, en fait, ça peut être le moment d'enchaîner même, du coup. Ouais, ouais. Bah, carrément. Ouais. Donc, c'est Raga Sonic, Bleu, Blanc, Rouge. Et on écoute ça tout de suite et on se retrouve sur le 8-9-5 de Duo dans On a la parole. On a la parole. Tes yeux sont bleus, ta purée blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos éliminent le Rebeu et les Renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un Uzi pour éliminer le FN, le PN et tous les fachos à Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ta fleur de lys se fane, du cannabis je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système je condamne à s'enliser dans la brume, pour rire dans la vase d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Raga Sonic son anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Pour qu'elle me devant que je puisse faire surface. Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos éliminent les Rebeux et les Renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nymphas se font. Y'a trop de fachos, y'a trop de bolabos. J'appelle tous les Rebeux et les négros. Faut que l'unité soit ancrée dans notre peau. Migrés des morts, ils reviennent à la soupe. Au pécho, le micro, comme des ragamuffins, soldats, on ne fait pas de cadeaux. Bleu, blanc, rouge ne sont pas des. les couleurs de mon drapeau rouge. Tes yeux sont bleus, ta bourre est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qui se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume bugué, tu vois rouge. Quand tu me brasses, tu n'as qu'un seul soin, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Pourquoi ne veux-tu pas que je puisse faire surface? Oh, Primo, toi tu manges pas lui, c'est dégueulasse. Secondo, il y a des clochards devant le palace. Tertio, tu as le Nemo, la monnaie, tout s'efface. Quattro, de mépris, y'a trop de classe. Cinco, je suis métissé, ce business me lasse. Trop tard, j'ai choisi mon camp, mon rang et ma race. Nous sommes tous égaux, mais la liberté s'efface. Tous au même niveau dans le conflit des races. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au lointain, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe, qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume plus gai, tu vois rouge. Quand tu me crasses, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. On ouvre la parole, réveillez-vous. Radio Duo 89.5. 89.5 et on a la parole, dernière ligne droite, et donc un petit raga sonique des familles, sélectionné par toi-même, Romain, pourquoi donc? Bah, je pense que la chanson, elle parle un peu d'elle-même. Ah non, mais tu vas pas faire ça deux fois. Ah ouais, t'es en train de pas vouloir parler pour ta première émission. Non, ce que je voulais dire, oui, c'est... Ouais, la chanson, elle parle d'elle-même, justement, et je pense que... On parle des préjugés et des jugements. Donc, je pense que la couleur de peau, c'est aussi un jugement. C'est aussi... Enfin, plein de choses, quoi. On peut dire que les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Carrément. Ouais. Voilà. Et moi aussi, hein, j'ai été victime de ça. Dans un autre sens, moi, je suis né dans une cité, donc... Et c'était... Moi, je suis blanc. D'accord. Enfin, je crois. Hein. Un truc comme ça. L'éclairage, t'es à contre-jour, alors c'est pas. Bah ouais, mais en plus, ouais, si l'éclairage il est pas avec moi, ça va pas le faire. Mais oui, moi aussi, j'ai été victime de racisme anti-blanc. Et bah voilà quoi. Je suis pour rien. Et comme les Noirs, ils sont pour rien. Les Arabes, ils sont pour rien. Bon, on va pas faire toutes les races parce que sinon ça va mettre longtemps. Mais voilà, les préjugés sur les gens qu'on connaît pas, c'est idiot. Idiot. Tout simplement idiot, en fait. Je crois que c'est le mot qui convient le plus, idiot. C'est de l'idiotie. C'est de l'hypocrisie. Aussi, voilà. Pardon, excuse-moi. Ouais, attends, mais Chérifa, je vais venir à toi. Regarde. Tout à l'heure, elle me demandait si c'était ma couleur de peau. Ouais. Ah oui, je m'en souviens. Ouais, tu m'as demandé. Tu m'as dit, t'as bronzé ou c'est ta couleur de peau? Bah non, c'est comme ça. Non, désolé, mais bon, voilà. On dirait que t'as bronzé. Non, c'est moi, je suis comme ça. Bah ouais, mais ouais, c'est voilà. Ça. Je suis comme ça. Ok. Donc voilà, encore, voilà. Donc, c'est des trucs, normalement, qu'on ne devrait même pas en parler. Normalement, on ne devrait pas en parler. T'es blanc, t'es noir, t'es rouge, t'es jaune, on s'en fout. Mais c'était pas péjoratif quand je t'ai demandé ça. Ah, mais non, moi, je m'attaque pas à toi. Non, mais je m'attaque pas à toi du tout, il n'y a rien à voir. Non, c'est juste, voilà, on n'a pas besoin de regarder... Même une question d'habit, une question de n'importe quoi. On n'a pas besoin de... Les gens sont comme ils sont et on fait avec, et c'est tout. Et il est gentil, c'est le principal. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Si quelqu'un veut réagir, il n'y a aucun problème. Moi, chez les blancs, je suis noir, et chez les noirs, je suis blanc. Comment je fais? La créolitude, hein. Fallait pas être créole. À la Réunion, on me dit oreille et en France, on me dit réunionnais. Enfin, on me dit black. Ouais, alors que je suis métisse. Bah, ça se voit, hein. Ouais. Peut-être. Je crois qu'il y avait peut-être... T'as bronzé, non ? J'ai bronzé. Il y avait peut-être une petite surprise, justement, pour illustrer ça, c'est que Monsieur Nasser est dans la place et nous a concocté un petit texte avec un petit peu pour parler de tout ça. Tu te mets au micro. Le texte n'a pas vraiment un rapport avec les préjugés, mais il peut avoir plus ou moins près ou loin quelques rapports. Donc j'y vais. Quelle maigre ressource pour un temps de disette. Je reviens à la source pour être sur la gazette. Que vois-je une pauvre pitance? Voilà ma pénitence. Et si je rebelle que beaux seront les efforts, aussi fort qu'un fort, imprenable forteresse, je suis à mes aises, évitez mes gères, je suis le capitaine sur l'embarcadère, pour la bonté on sait que j'adhère, il faut me dompter, ça reste à faire, il faut insister, lâche pas l'affaire, de la tête aux pieds je reste unique, alors quand l'univers tenait dans un verre, un seul était conscient, je le remercie pour sa science. Et là, on termine la première séance. Et maintenant, ça continue. Sur un dos de cheval, je traverse les dunes. J'arrive au canal, éclairé par la lune. J'évite les canailles pour pas qu'on me déplume. J'ai quasiment rien à part mon nom de terrien. Et comme un chien, je garde mon terrain. Alors que je forme mon petit chemin, je fonce à la forge, lundi ou bien demain. Lundi oui et l'autre dit non. Plein de pourris, de pauvres dis donc. Bien nourri de peine mon oncle, le plat salé sur le bout des ongles, je me permets de planer, ça dépend de l'angle, j'aiguise ma technique en forme de rectangle, enfiler ma tunique qui peut le prétendre, avant que ça se termine, vaudrait mieux me la rendre. Pourquoi demander revient à mendier, et que donner devient une bonté, et que remercier est une qualité, donc partager est une gentillesse, et que celle-ci est prise pour faiblesse. Le monde est ainsi fait, de gens loin d'être parfaits. Chaque jour la perfection est à refaire. Si le danger d'une perforation de mes artères cause des dégâts à me coucher par terre, je rugirai comme une panthère. Je suis passé par plusieurs chemins, tout en créant un seul qui est mien. Pourquoi prétendre être un humain, alors qu'on ne sait pas tendre la main? Alors où l'on sème pour prévoir demain, faut qu'on se paye pour demain matin. Le but final de notre vie est de ressembler à Mahomet ou Jésus-Christ pour atteindre le Graal, à mon avis. Las Vegas est dans la place. Ouais. Et ouais, pour ce slam poétique, un peu moins hip-hop que les finales des émissions précédentes. Ouais, je me suis mis à la poésie maintenant. Nouvelle direction artistique dans ta carrière, Nas. Ouais, voilà. Yes, trop bien, merci. C'est toi qui as écrit le texte, du coup. Ouais, c'est moi. Ouais, ok. Bah, je crois. Bah, c'était bien. Que c'est ça qu'il y a à dire, hein. Exactement. Ouais. Je crois aussi qu'on arrive à la fin de cette émission. C'est le moment pour vous de pouvoir saluer les auditeurs et les auditrices que vous avez envie. Un dernier mot, une petite pensée, quelque chose, si vous voulez partager des choses. Le micro est ouvert, bien entendu. Merci, Johanna, d'être pas venue. Ah, alors là, ça trache dans les structures. Je pense que ça va en redébattre à l'occasion. Et moi, je voudrais remercier Xavier Kando qui a initié cette émission, qui, l'année dernière... nous a invité la pension de famille Jean Parot à intégrer ce groupe. Et voilà, un petit clin d'œil pour Xavier, en espérant qu'il écoutera l'émission. On lui passera la date, ouais. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aurais un mot pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. S'ils sont victimes de préjugés, qu'ils n'y fassent pas attention, qu'ils n'y prêtent pas attention, qu'ils fassent comme si de rien n'était, et parce qu'ils savent très bien ce qu'ils valent. Et que les préjugés ne doivent pas les atteindre. Voilà. Eh ben moi, j'aimerais rebondir à ce que vient de dire Nasser. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Et juste, je voudrais juste passer un bonjour à mon père. Voilà. C'est la place, c'est l'endroit. Moi, je voudrais juste passer un bonjour à deux petits frères de la Réunion, Joe Black et Ali Mohamed. Eh ben moi, je voulais vous remercier, vous, pour tous les témoignages que vous avez apportés avec franchise et sincérité, de réussir à parler de tout ça ensemble avec les auditeurs et les auditrices. Ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque émission. Ouais, bien sûr, Lionel. Mais tiens, prends le micro de Nasser. Eh ben moi, je remercie toute l'équipe de Radio Dio pour le travail que vous faites et merci Loïc. Avec plaisir, Lionel. On se retrouvera donc le trimestre prochain pour un On a la parole qui n'en finira pas de partager nos émotions. Merci à tout le monde et encore bravo, bravo, bravo. Et on va finir sur un morceau de hip-hop, un autre. C'est un projet qui a été mené par Anom et Vane à Saint-Étienne au sein du foyer Renaître, un autre foyer à Saint-Étienne. C'est un projet d'action culturelle qui a été monté par l'association Popiette. Et je vous propose d'écouter tout de suite le morceau qui s'intitule « À 100% Anom, Vane et Renaître » sur le 8-9-5. Ciao. J'attends mon tour comme Aznavour. Le monde est dur, j'ai besoin d'amour. L'amour est grand quand il est vrai. Insouciant, c'est ce qui m'effraie. Je recommence, je vais te le donner. Ensemble allons chanter, ensemble allons danser, ensemble allons rêver. Ensemble allons rêver d'un monde émerveillé. Je suis perdu dans mes pensées. Paris c'est loin, planète est grande, bien loin de l'avant, bien loin des gens. Paris c'est loin, planète est grande, bien loin de l'avant, bien loin des gens. À 100%, je ressens, je vis, j'avance. J'avance et je pense, et j'oublie la souffrance. Je prends mes distances et je recommence. Insouciant, je recommence et j'oublie la souffrance. À 100%, je ressens, je vis, j'avance et je pense. J'oublie la souffrance, prends mes distances. Je recommence, insouciant, je recommence et j'oublie la souffrance. Ceci, Kierno, Palais. La vie, c'est vraiment compliqué. Mais on doit savoir. La vie, c'est vraiment compliqué. Je suis Tcherno Baldé. La vie, c'est vraiment compliqué. Mais on doit savoir. La vie, c'est vraiment compliqué. Je suis Tcherno Baldé. Et j'avais tellement d'idées avant qu'arrivent les soucis. Ça a fini par brûler, papa, maman sont partis. Je me suis posé des années, j'ai réfléchi à ma vie. Je crois bien que les fleurs ont fané, il restait là la vanille. Je pourrais pas tout oublier, sourire sur photo de famille. Quand t'apprends la vérité, tu deviens de moins en moins poli. Quand j'ai ce que j'ai mérité, ça devient de plus en plus joli. Faire des efforts, il faudrait, je pense bien que j'en ai trop dit. À 100%, je ressens, je vis, j'avance. J'avance et je pense, et j'oublie la souffrance. Je prends mes distances et je recommence. Insouciant, je recommence et j'oublie la souffrance. À 100%, je ressens, je vis, j'avance et je pense. J'oublie la souffrance, je prends mes distances. Je recommence, insouciant, je recommence et j'oublie la souffrance. Tererum, tererum, tererum, tererum, tererum. يا علاش درتي ليا هكذاك يا الحب دعني ما قلتي قلبي قلبي يبغيك ندعيك الربي يصافي معك بقى الهدرة عليك يا المضرور علاش درتي فيا هكذاك في الغربة قرتيني بلا ولدي راني عايش بروحي في الدنيا ذي علاش يا الحب درتي في الغربة علاش درتي لي هي هكذاك يا الحب علاش درتي لي يا الحب علاش درتي درتي لي هكذاك شفتك في اللي بحار كذبت عيوني وقلت هذا ما مش شهر